Vacarme, avec votre magazine L'Illustré. Après Vacarme tous les jours, c'est Histoire vivante. Belle journée sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. This is an historic agreement. Cette semaine, l'affaire des fonds en déshérence. Deuxième partie. Vous avez eu l'immense bonheur d'échapper à la guerre. Votre situation géographique y est pour quelque chose. Votre courage pour plus encore. Crise, règlement et eau de boudin. Là, c'est une bataille idéologique. Une histoire qui ne passe pas. Nous savons que l'histoire n'est pas une science. Hein. Personne n'est assez insensé pour comparer les pertes suisses à celles des autres pays d'Europe. Ces gens ont vécu l'enfer des camps et en plus, ils terminaient leur vie dans une misère noire. Je regrette avoir blessé vos sentiments personnels et ceux d'autres personnes. Refuser notre histoire telle qu'elle est, c'est abdiquer notre responsabilité. À part quelques problèmes de communication, je ne vois pas de faute du Conseil fédéral. Vous devez profiter de cette fenêtre ouverte sur un monde qui crie à l'aide. Chapitre 6. Juge et parti. Avec aujourd'hui Pierre Azan, journaliste, Daniel Mona, journaliste, Pierre Weil, journaliste, Martin Rosenfeld de la FSI, Fédération Suisse des Israélites de Suisse. Des journaux israéliens ont accusé les banques suisses de continuer à gérer, 50 ans après la fin de la guerre, les fortunes de leurs clients tués par les nazis. Concrètement, les banques suisses vont ouvrir un centre de recherche auquel pourront s'adresser notamment les héritiers des victimes de l'Holocauste. Pour Rolf Bloch, président de la Fédération des Israélites de Suisse, cette initiative constitue un premier pas en avant. Vous avez l'impression que les banques ont cédé à vos pressions ? Je ne voudrais pas dire que c'est nos pressions, parce qu'il y a eu des interventions parlementaires, il y a eu l'intervention aussi de la commission des banques, mais dans le contexte plutôt général, et nous sommes une partie de ce contexte. Aujourd'hui, est-ce que vous avez encore certains doutes quant à la volonté des banquiers suisses d'ouvrir leurs comptes et quant à aux sommes qui seraient éventuellement déposées sur ces comptes? Vous savez, les chiffres sont vite avancés et les réalités peuvent être tout à fait différentes, mais c'est sur la question du principe que nous sommes contents. Alors, en 1996, la Suisse est rattrapée par l'occultation d'une partie de son passé qui touche à la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle la crise des fonds en déshérence, mais qui est beaucoup plus large au fond que simplement des fonds bancaires. Quelle est la perception, Pierre Azan, que vous aviez à ce moment-là de la crise vue par la communauté juive de Suisse? Il y a un personnage sur lequel on reviendra tout à l'heure qui est Rolf Bloch, le président de l'association des Juifs de Suisse, de la communauté juive. Comment est-ce que cette crise qui menace est perçue à l'intérieur de la Suisse? Peut-être le premier point qui me semble important, il n'y a pas d'association des Juifs de Suisse. Il n'y a pas une communauté juive. Il y a des communautés juives qui sont extraordinairement diverses. Ce monde assez fragmenté se réunit à l'intérieur d'une fédération qui est dirigée par M. Bloch. Et lui se trouve confronté effectivement à une difficulté. D'un côté, il connaît l'histoire suisse pour l'avoir vécue évidemment, y compris celle de la Deuxième Guerre mondiale. Et en même temps, il est parfaitement conscient de l'état d'esprit d'une grande partie de la population qui trouve totalement injuste et qui ne comprend pas la nature véritablement des accusations qui sont portées contre la Suisse. Son souci est un souci essentiellement pédagogique, c'est-à-dire d'expliquer aux uns et aux autres, c'est-à-dire à la fois aux organisations juives qui sont basées aux États-Unis et de l'autre côté au gouvernement, aux banques et à la société suisse de manière plus générale, une vision beaucoup plus articulée, beaucoup plus complexe. D'un côté, de faire passer le message que l'histoire suisse, en fait, n'a pas toujours été admirable, et loin de là, puisque on se souvient du tampon J qui a été voulu par les autorités suisses. On se souvient qu'il y a sans doute, selon le rapport Bergier, 20 ou 25 000 juifs qui ont été reconduits à la frontière, etc., etc. On se souvient aussi que c'est la communauté juive elle-même, la petite communauté juive suisse, qui a dû payer pour les réfugiés qui étaient acceptés, et non pas une politique d'asile. Donc, Il y a d'un côté une volonté de faire comprendre à la société suisse que la Suisse a fait sans doute comme elle a pu, mais que à certains moments il y a eu des paroles très dures, y compris la barque est pleine, y compris en nommant quelqu'un comme Rotmund qui était philo-nazi dans une position essentielle dans la politique d'asile, et de l'autre côté de faire passer le message aux organisations juives qu'il fallait tempérer leurs attaques et de rentrer non pas dans une sorte de logique brutale des rapports de force politique et économique tels qu'ils se pratiquent aux États-Unis. Donc il a joué ce double rôle, essayant à la fois de tempérer les uns et les autres et de créer un espace discursif, un espace de discussion où on pouvait élaborer et entendre les uns et les autres. Les Juifs de Suisse sont déterminés de voir trouver justice aux victimes de l'Holocauste et de leurs descendants. Et d'un autre côté, nous voudrions dire aux Américains d'être plus équitables vis-à-vis de la Suisse, de ne pas créer une culpabilité collective et de faire confiance à la Suisse. Daniel Mona, journaliste. Lui connaissait le Congrès juif mondial et ses dirigeants, ce que le Conseil fédéral ne connaissait pas du tout. Sans doute que lui a pu leur dire très tôt le danger qui existait, tout en leur disant que derrière les revendications des organisations juives, il y avait une réalité morale et que quelque part, il fallait aussi prendre au sérieux les demandes, parce qu'évidemment, on a beaucoup parlé de la confrontation, mais il faut peut-être répéter que derrière ces demandes, même si elles étaient formulées de manière désagréable, c'est quand même la Suisse qui s'était mise dans cette situation, puisqu'elle n'avait jamais traité sérieusement les fonds en déshérence des victimes de l'Holocauste, alors qu'elle s'y était engagée en 1946 au sortir de la guerre, et qu'elle n'a jamais accompli cette promesse sous la pression des banquiers qui trouvaient ridicule cette promesse qui avait été faite en 1946. Pierre Weil, journaliste. Rolf Bloch, je dois dire, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il était vraiment un personnage très impressionnant par sa modestie et sa clairvoyance. Il devait représenter les Juifs et les Suisses en même temps. Politiquement, il n'était pas un idéologue. Il cherchait le pragmatisme. Je sais qu'il essayait aussi toujours de faire que le Congrès juif mondial soit plus modeste, moins agressif. Il discutait avec eux bilatéralement. Et ce qui résume bien sa position, c'était la phrase qu'il a dit « Justice pour les Juifs, fairness pour la Suisse ». Et je pense que beaucoup de gens ont trouvé ça vraiment le leitmotiv qu'il fallait suivre. Il a aussi été élu le Suisse de l'année en 1997. Beaucoup de gens qui avaient une certaine image d'un Juif, ils ne représentaient pas cette image. Ils parlaient le bernois, le français, comme tout le monde en Suisse. Et ils ont peut-être réalisé qu'on peut très bien être Juif et Suisse, comme on l'est depuis des générations. Jusqu'à l'affaire des fonds juifs en déshérence, la plupart des quelques 18 000 Juifs de Suisse représentaient une communauté traditionnellement discrète et réservée. Nombreux d'entre eux estiment d'ailleurs que les prises de position du Congrès juif mondial sont trop extrémistes. À l'image de Rolf Bloch, président de la Fédération suisse des communautés israélites, c'est presque un rôle d'arbitre que les modérés se voient jouer. Mais aujourd'hui, une recrudescence d'antisémitisme a fait son apparition à travers le pays. Pour bon nombre des Juifs de Suisse, la surprise, c'est d'avoir vu le regard de leurs concitoyens changer. Ils redevenaient des Juifs tout court. D'où l'importance d'événements comme celui qui s'est déroulé à Berne l'année dernière. Le canton reconnaissait les communautés israélites en tant que collectivité de droit public, au même titre que les catholiques et les protestants. Après Bâle-Ville et Fribourg, le canton de Berne va plus loin en prenant sur lui de payer le salaire du rabbin, un cas unique en Suisse. Une telle reconnaissance a donc une importante valeur non seulement politique, mais aussi psychologique et morale. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio, télévision, Suisse, s'il vous plaît? Oui, mon nom est Martin Rosenfeld. Je suis l'ancien secrétaire général de la FSCI, de la Fédération des communautés israélites en Suisse, dans les années 92 à 2001. Comment êtes-vous arrivé à ce poste-là? L'ancien président, Monsieur Rolf Bloch, m'a demandé quand il est devenu président si je peux prendre ce poste comme secrétaire général. Vous pouvez nous parler de lui? Parce que lui, alors, c'est un personnage qui fait un peu, il faut bien le dire, l'unanimité. Oui, Rolf Bloch a été un vrai coup de chance pour la Suisse. Il a réussi à gagner la confiance des deux côtés et servir comme interlocuteur entre les intérêts des États-Unis et ceux de la Suisse. Il a su bien écouter et poser des bonnes questions. Martin Rosenfeld, je vais avoir besoin que vous nous placiez dans une situation qui est, j'allais presque dire, la première rencontre entre les membres du Congrès juif américain qui viennent à Berne, sur la proposition de M. Bloch, rencontrer des membres de l'Association suisse des banquiers. Vous-même étiez présent lors de cette réunion. Nous, depuis que nous nous intéressons avec Jean-François Berger à ce dossier, cette réunion, elle nous impressionne. On aurait envie d'être des petites souris et d'y être. Alors, on n'a pas pu y assister. Racontez-nous ce que ça a été, cette réunion. Alors, cette réunion était peut-être un peu formelle parce que à ce temps-là, on ne se connaissait pas encore. Et surtout formelle avec les participants de l'association des banques. Mais c'était tout à fait correct. Mais on a vu chez les représentants de banques, pour eux, ce n'était pas une chose importante. C'était plutôt une visite de aimabilité. Quasiment une contrainte. Oui, on peut dire ça, oui. Ils n'avaient aucune idée de la situation qui pourrait arriver parce que je me souviens bien qu'un des participants d'un congrès juif mondial a parlé de sénateur D'Amato et qu'il a dit qu'il y a des hearings à Washington. Des auditions. Et pour ça, ça pourrait avoir des implications politiques, mais les banques n'ont pas pris ça à sérieux. Alors ils étaient tranquilles, ils étaient peu intéressés. Pour eux, c'était un rendez-vous qu'il faudrait faire, mais aucune importance pour eux. Atmosphère peanuts, autrement dit. Exactement, c'est ça. Jean-François Berger. Martin Rosenfeld, en tant que secrétaire général de la Fédération des communautés israélites de Suisse, à l'époque de la crise des fonds des errances, est-ce que vous avez pressenti la crise avant qu'elle n'éclate? Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs qui ont retenu votre attention? Ou est-ce que c'est quelque chose qui survient d'une manière totalement imprévisible? Non, ce n'était pas le cas. L'histoire des fonds déshérence dans les banques suisses n'était pas nouvelle pour nous. Depuis 1962, une commission s'occupait des fonds déshérence. Elle n'existait plus depuis 1975. Ni la politique, ni les banques n'étaient intéressées par une réévaluation approfondie de la situation. Les interventions de la FSI sont également restées sans succès. Ce n'est que en 94 et 95 que les choses ont commencé à bouger. Plusieurs rapports ont suscité l'intérêt pour le sujet aux États-Unis. Le journaliste économique Beat Balzli avait publié ses recherches dans le journal du dimanche en 95. Ce reportage a été lu à l'étranger. Une délégation du Congrès juif mondial s'est rendue en Suisse pour des entretiens qu'on a parlé déjà, mais il n'était pas pris au sérieux par l'Association suisse des banquiers ni par le ministre des Finances, Monsieur Willicker, à cette époque-là. Le sujet a fait l'objet d'une grande résonance médiatique et les politiciens aux États-Unis et en Israël ont commencé à s'y intéresser. Oui, c'était prévisible, il y avait suffisamment d'indications, mais les banques et les politiciens ont mal évalué la dimension et ont sans doute pensé qu'avec le temps, le problème se résoudrait tout seul. Martin Rosenfeld, est-ce que c'est la rencontre avec la communauté juive américaine qui fait comprendre à la Suisse, vous y compris, que ça va être énorme? Oui, je pense que oui, c'était ça. Mais quand même, nous étions préparés du sujet parce que quand j'ai eu la demande de ce journaliste pour avoir un interview, faire un reportage, j'ai consulté les anciens documents et j'ai trouvé des choses que je ne connaissais pas en avant. Par exemple? Alors, les discussions qu'on avait dans les années 60, les démarches côté juif pour auprès des banques qui n'étaient pas bien répondues, personne n'avait l'intérêt à résoudre ce problème. Martin Rosenfeld, pendant ces années extrêmement mouvementées, vous avez été le bras droit de Rolf Bloch. Comment est-ce que vous avez fait pour organiser votre travail aux côtés de Rolf Bloch? Comment se répartissaient un peu les activités entre vous? Rolf Bloch était un très bon stratège, était terminé la procédure. Je l'ai soutenu autant que j'ai pu, surtout dans le travail avec les médias, et je l'accompagnais à plusieurs réunions. À plusieurs reprises, j'ai été mandaté pour représenter à des réunions en Suisse et à l'étranger. J'étais aux États-Unis, j'étais en Israël à plusieurs occasions, la plupart avec M. Bloch, mais aussi tout seul. Je pense d'un côté que l'estimation des banques est encore trop basse et peut-être les expectatives sont trop grandes. Maintenant, nous pouvons entrer dans un stade de négociation. Jusqu'à maintenant, nous étions dans des stades de déclaration. Ce n'est pas la première fois que nous avons parlé de cette commission d'enquête. Mais maintenant, ça prend des formes plus concrètes et on peut avancer dans cette direction, ce qui est souhaitable. Martin Rosenfeld, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur la forme et le degré de cohésion entre les différentes communautés juives en Suisse? Comment est-ce que les choses se sont passées et quelles ont été les principales perceptions de ces différentes communautés dans les régions linguistiques et les cantons de la Confédération? Alors, il était très inhabituel pour les communautés juives de se trouver face à un tel intérêt public. Cela a également suscité des craintes, surtout les ressentiments antisémites de plus en plus manifestes. On a eu un effet menaçant. Néanmoins, les communautés juives soutenaient la FSCI et son président Rolf Bloch. Bien sûr, il y avait des discussions entre les communautés sur la stratégie, mais à la fin, tous étaient d'accord avec la ligne qui a été représentée par la FSCI. Pardon, mais est-ce que la communauté israélite de Suisse aurait pu ne pas intervenir du tout dans le sujet, puisqu'au fond, le contentieux, le Congrès juif mondial s'adressait aux banques suisses, pas à la communauté israélite de Suisse? Oui, ils ont informé notre fédération et nous avaient invité de participer. Ce n'était pas correct de dire alors non, ce n'est pas notre affaire. Alors aussi de notre propre intérêt, parce que c'est quelque chose, c'est un conflit, c'est en Suisse, alors nous devrons nous engager. Ça, c'était clair au début. Dès le début. Oui. Daniel Mona, journaliste. Ce qui m'a frappé chez Rolf Bloch, c'est d'abord cette excellente connaissance du dossier, aussi du passé, puisque ces affaires de fonds en déshérence avaient déjà surgi deux ou trois fois dans le passé. Des enquêtes, soi-disant enquêtes, avaient été lancées et on avait chaque fois conclu, au fond, qu'il y avait très peu de choses dans les coffres des banques suisses, mais on avait laissé ces enquêtes à la discrétion des banques, sans aucun contrôle extérieur, et pour des raisons stratégiques, à chaque fois, elles annonçaient les résultats qu'elles voulaient. Rolf Bloch connaissait vraiment tout ça. Ça m'a frappé, par exemple, quand à un moment de la crise, il est apparu que la Suisse avait livré à la Pologne des biens en déshérence de citoyens polonais, Pologne communiste, donc on pouvait très bien penser que jamais elle ne donnerait cet argent à ses citoyens concernés, ce qui était au fond un pur scandale, quoi, puisque en Suisse on prétend quand même défendre la propriété des individus, etc. Et lui, donc le Conseil fédéral, quand une organisation lui a balancé ça à la figure, a dit mais jamais, mais non, ça n'existe pas et autres. Et c'est en partie Rolf Bloch qui a dit mais si, nous connaissons très bien cet accord, nous avons protesté à l'époque contre cet accord. Donc il connaissait très très bien le dossier. Pierre Weil, journaliste. La fédération, elle avait aussi un secrétaire général qui était à plein temps, qui était aussi très bien, Martin Rosenfeld, qui a aussi fait beaucoup. Mais en même temps, il faut aussi dire que quand il a pris la présidence, c'était une présidence à mi-temps ou même moins, peut-être 25%, 30%, parce qu'il n'y avait pas tellement à faire en Suisse. La situation des Juifs n'est pas un énorme problème. Puis tout à coup, cette crise vient et ça change complètement la situation. Il faut aussi dire qu'il avait repris la présidence de Michael Cohn. Je ne sais pas si on le connaît en Suisse romande. Il était le, à un moment donné, on disait le pape de l'énergie. Il était un grand manager à Zurich, Motor Columbus, puis il était devenu président. Et il voulait tout changer, la fédération, il voulait la mener comme une entreprise. Et ça, ça n'a pas été accepté par les autres membres du comité exécutif. Il a démissionné. Et comme ça, Rolf Bloch, tout à coup, il était président. Personne ne savait à l'époque ce que cela signifiait. Est-ce que Rolf Bloch devait multiplier les contacts à l'intérieur des différentes composantes de la communauté juive suisse? Est-ce qu'il y avait une concertation, on va dire, ouverte et régulière? Ou est-ce qu'il jouissait d'une confiance suffisante de la part des uns et des autres, malgré leur hétérogénéité, pour aller de l'avant et traiter cette crise dans l'urgence, parce qu'on sait que Rolf Bloch était aussi largement sollicité par les autorités, par les médias, par différents partenaires. Donc la hétérogénéité de la communauté juive concerne surtout la religiosité. Et les communautés orthodoxes s'intéressaient peu ou s'intéressent pas à cette question. Eux, ils sont très tournés vers l'intérieur. Les autres étaient d'accord ou bien le supportaient. Il y avait toujours le mentionné Michael Cohn et Sigi Feigl, qui était le président, l'ancien président de la communauté israélite de Zurich, qui était aussi une personnalité très politique. Les deux, ils se mêlaient aussi dans cette affaire, ils donnaient aussi des statements, c'est comme ça. Donc il y avait ces trois, et là, il devait toujours un peu se positionner ou se défendre contre les deux autres, mais c'est lui qui était la personnalité officielle. Et donc, de ce point de vue, c'était clair que c'était lui le porte-parole des Juifs. Daniel Mona. C'était un homme aussi d'une grande droiture, mais il était, comme une bonne partie de la communauté juive, extrêmement mal pris, quoi. C'était vraiment entre le marteau et l'enclume. Les organisations juives n'avaient au fond aucune considération pour la situation de la communauté juive en Suisse, et en particulier sur les risques de résurgence d'antisémitisme dû à la violence incroyable de leurs attaques et des formulations tellement insultantes qu'elles sortaient. Rolf Bloch essayait de jouer le médiateur. Il essayait aussi de dire aux Suisses et aux autorités suisses ce qu'on pourrait peut-être faire d'aider à la résolution de cette crise et de ce conflit. Mais j'avais l'impression, malheureusement, qu'il n'était pas très écouté, en tout cas qu'on suivait pas ses conseils, quoi. Moi, juif de Suisse, je proclame haut et fort que je suis là des attaques incessantes portées contre mon pays par le Congrès juif américain qui n'a aucun droit à se déclarer Congrès juif mondial. Il est temps que cesse cette campagne de dénigrement à laquelle se livrent mes coreligionnaires américains. Ma lettre ouverte, faite de suppositions et d'hypothèses, est le cri du cœur d'un homme de 71 ans. Celui-ci, profondément enraciné dans son pays, souffre de voir ses compatriotes accusés des pires vilainies à cause de la malhonnêteté et de la fourberie de certains banquiers et politiciens de l'époque brune. Courrier des lecteurs, L'Hebdo, 1997. Pierre Azan. Le courrier des lecteurs dans les journaux est souvent terriblement est un indicateur très très puissant, et les lettres qui parviennent aux journaux sont parfois tellement impubliables parce que choquantes, parce qu'antisémites, et donc on sent bien une partie de la société ne comprend visiblement pas, et de l'autre côté il y a aussi une partie de la société suisse qui au contraire, je crois, veut travailler en profondeur son identité, veut repenser sa relation à elle-même et au monde, et voit l'affaire des fonds en déshérence dans quelque chose qui me semble être beaucoup plus juste, c'est-à-dire de repenser la place de la Suisse historiquement et dans les temps présents, dans un monde contemporain qui est difficile et qui est violent. Daniel Mona. Il faut déjà rappeler une chose, parce que le citoyen moyen ne s'en rend pas compte. Il y a en Suisse 20 000 juifs. Donc c'est une très petite communauté, hein. Donc ça c'est, il faut toujours rappeler ça, parce que ça fait partie d'une sorte d'antisémitisme latent de penser que il y a beaucoup de juifs, etc. Donc 20 000 personnes, c'est pas beaucoup. Moi, j'ai rencontré des gens de la communauté juive. Je dirais que souvent ils avaient l'impression d'être mal pris, justement, parce que comme je le disais pour Rolf Bloch, il soutenait sur le fond les revendications, mais en même temps, le style des organisations américaines les dérangeait profondément. Et ils avaient l'impression que ça les mettait en danger, pas en danger physique immédiat, mais enfin que justement ça risquait de braquer les regards sur leur communauté. Or on sait que les réflexes antisémites reviennent très vite à la surface, donc je pense que c'est pas de la paranoïa, c'est pas comme ça une idée créée de toute pièce. Donc il y avait cette inquiétude, et en même temps c'est une communauté qui en général connaissait mieux l'histoire que la moyenne des citoyens, pour des raisons évidentes, parce que très souvent, par des attaches familiales, il y avait des victimes dans ces familles. Pierre Weil. Les Juifs qui veulent de l'argent, cela confirme tous les préjugés qui datent du Moyen-Âge ou même avant, parce que à l'époque, les Juifs n'osaient pas posséder de la terre ou adhérer à des corporation artisanale. Alors qu'est-ce qui leur restait? Ils devaient être marchands ou bien prêteurs, parce que les chrétiens, ils n'osaient pas prendre d'intérêt. Alors c'est clair que les Juifs, ils ont été au fond poussés dans la finance, dans le commerce, donc des secteurs qu'on gagne d'importance dans le cours de l'histoire. Mais ça renforcer les préjugés, les Juifs et l'argent. Puis maintenant là, ils demandaient de l'argent, et ça bien sûr fait que l'antisémitisme latent qui existait, ou qui existe peut-être encore toujours, est venu à la surface. Moi, personnellement, je n'ai jamais ressenti quelque chose, ni comme journaliste, ni comme écrivain, mais quand j'ai présenté mon livre, donc à la foire du livre à Francfort, quelqu'un m'a demandé, est-ce que c'était pas difficile pour vous d'écrire ce livre? Bien entendu, penser pour moi, comme juif, alors j'ai dit pourquoi? Parce que je suis suisse. Ça, c'était une des choses, mais sans ça, ce que j'ai aussi entendu, je sais que il y avait à l'époque 2 hebdomadaires juifs en Suisse, et après cette affaire des fonds déshérence, ou bien aussi pendant, ils ont perdu énormément de publicité. Les gens disaient qu'ils ne veulent plus supporter ces journaux. La polémique sur les fonds juifs a rallumé les vieux démons. Et sans doute, le réveil américain a-t-il sonné trop fort, dira Rolf Bloch. Je ne veux pas qu'on parle des Suisses, parce que je ne veux pas non plus qu'on parle des Juifs. Certains Suisses, en proie au doute, en quête d'identité, se sont sentis menacés par cette histoire qui les rattrapait. On est placé devant sa responsabilité. Et je dirais, encore une fois, devant sa responsabilité, pas devant sa culpabilité. Mais sans ce réveil, l'histoire aurait sans doute sombré dans l'oubli. Et Rolf Bloch de conclure, si on arrive à en parler, alors oui, l'histoire a un sens. Pierre Razan. Il y a une vraie difficulté dans les années 90 que la Suisse a, et c'est pas par hasard que survienne à ce moment-là la discussion sur l'espace économique européen, sur la définition de la neutralité, est-ce que c'est une neutralité active ou pas. C'est encore à ce moment-là que la Suisse rejoint les Nations Unies, donc on voit très très bien ce processus d'évolution se produire, mais en même temps c'est la montée de l'UDC, c'est la montée de Blocher. Alors Blocher, évidemment, c'est vrai que je le rencontre et je trouve l'individu formidablement intéressant, parce que d'un côté, j'ai face à moi un self-made man, un homme qui a construit un empire économique avec une entreprise pharmaceutique, qui travaille essentiellement avec la Chine, donc qui est complètement globalisé, et qui, sur son bureau, a des petites statuettes de vaches. Et il me les montre avec beaucoup d'intérêt, et peut-être, je le disais presque d'amour, mais c'est sans doute trop dire. Donc, il y a ce rapport à la fois de Blocher, qui joue à fond la carte d'une Suisse mythologique, tout en étant un homme dont les affaires sont complètement globalisées. Notre épisode était intitulé « Juge et parti », une réalisation de Jean-Philippe Zwaven. Demain, la suite de cette évocation avec un nouvel épisode, un accord majeur. Cette série est proposée par Jean-François Berger et Jean Leclerc. Histoire vivante vous a été présentée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain d'autres développements du sujet. La première, 14h.